plein des droits, prendre sa retraite. Il a même raccroché ses crampons. Et ce soir, son équipe fait la fête. Il leur sert une frisée au larron. Avec de la compote de pommes, de pommes de son champ. De la compote de pommes qu'il a cueillies lui-même. De la compote de pommes rouges, de pommes vertes. De la compote de pommes.